Parce que le gars ne peut pas être une victime. Le mot victime, c'est un mot féminin. Et c'est maintenant comme ça, c'est une victime. That's it. Donc, les femmes, si elles sont pas capables de réussir dans les écoles en chimie puis en physique, on va débloquer des millions pour les pousser. Que les petits gars aient de la misère un peu à l'école à se retrouver pour différentes raisons, en haut, pas vous, pas moi, pas les directions d'école, pas les profs, j'aimais pas là-dedans, mais très en haut, dans le gros, en haut de la pyramide, c'est power femelle, tu touches pas au gars. À la limite, moi, là, vous allez peut-être pas me suivre dans mon discours, je m'en sac, là, c'est voulu. C'est voulu, voulu. Pourquoi oh, c'est voulu. Voulu. C'est power femelle. Il y a des femmes qui, ça fait leur affaire avec les petits gars et ça, c'est pas à l'école. C'est un plan. Tu sais que j'ai de la misère avec ça, moi. Ben, moi, je vais jusque-là. C'est pas un hasard. Non. Ils savent, ils voient les résultats. Et ces femmes-là, puis il y a aucune raison, là. Il y a des mères qui ont des petits gars, ils veulent que les petits gars réussissent, ben, là. Même si c'est des femmes, ça que là. J'ai voyons donc. Je suis embarquée là-dedans, moi. Mais il y en a peut-être qui n'ont pas d'enfants, puis qui sont en haut, là, des militantes très extrémistes, qu'eux autres, c'est power female, that's it. Sinon, si j'ai tort, si j'exagère encore une fois, puis je paranoïe, dites-moi pourquoi tout l'argent est consacré aux filles dans les écoles, dans les programmes de réussite scolaire. Dites-moi pourquoi! Mais j'ai aucune raison, je suis pas capable de donner de raison à cet effet-là. Mais moi, je sens, puis je pense que toi aussi, tu le sens, Sylvain, que on est en train de faire un changement à cet effet-là. Bon, mais ça bloque en haut. Oui, il y a une conscientisation, le discours, l'entrevue qu'on vient de faire là, regarde les appels, écrivez-nous, studio. La gang d'autonomie qui est venue nous voir la semaine passée aussi, ça c'est un exemple. La communauté d'affaires est en train de s'impliquer. Parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème. Ça commence. Faut surtout pas lâcher. Mais peut-être que c'est parce qu'on veut pas lâcher les cordons de la bourse puis qu'on veut garder tout l'argent pour nous. Tu sais, ça se peut que ce soit ça. Oui, je te l'accorde. Oui, je te l'accorde. Ça passe pas en haut. Au moins, on est en train de se conscientiser. Puis un programme, chapeau les garçons, pour les amener à être enseignants dans un milieu scolaire qui est majoritairement femme, moi, je suis pour ça. Puis il y a plein de monde qui Mais t'as même pas besoin. Ça prendrait pas tellement d'argent. C'est des petits budgets, là. Mm. Des gars comme Dominique, je suis sûr qu'il est prêt à aller dans les classes pour rien témoigner. Il y en a plein d'autres hommes d'affaires qui seraient prêts à aller jaser de d'autres, des modèles masculins. Ça peut être dans d'autres domaines que la business, là. On axe là-dessus. Mais ça va être difficile parce qu'en haut, ça bloque un peu. Studio à commercial FM93.com si vous avez d'autres commentaires à nous faire. 7h36. Ici Jean-Marie.